الأولى، ما هي الأولى؟ الأولى أن الإنسان لا يتعلم إلا الحديث الصحيح، صحيح أو الحسن، يعني الحديث الثابت. Premièrement, il apprend seulement les hadiths qui sont vrais. Car les hadiths qui sont faux et qui sont faibles, il y a des milliers. Alors, il ne suffit pas de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais encore faut-il ajouter, est-ce que c'est un vrai hadith ou ce n'est pas un vrai hadith? Si tu dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et puis ce n'est pas un vrai hadith, donc en fin de compte, tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit. Au contraire, tu m'as pris quelque chose de mal. Tu m'as pris quelque chose de mal parce que je vais divulguer aux gens une chose qui n'est pas vraie. Alors je crois que c'est vrai. Alors quand on lit un livre comme Sheikh comme Sahih Jamat al-Albani, alhamdulillah, ce problème-là, il n'existe pas, alhamdulillah. Et la deuxième des choses, quand on lit beaucoup d'ahadith, quand on lit beaucoup d'ahadith en général, awalan, nazid qurbat min Allah azza wa jalla, premièrement, on se rapproche plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, comme a dit Allah azza wa jalla, wa in tuti'u wa tahtadu. Allah azza wa jalla a dit, et si vous obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez guidé. تهتدوا وتلاحظون ان الواحد بقدر ما يعرف من الاحاديث بقدر ما يزيد الله تعالى في الهداية ولهذا قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم d'ailleurs suivre le prophète صلى الله عليه وسلم c'est quoi c'est un des signes que vraiment on aime Allah سبحانه وتعالى car c'est Allah عز وجل qui a dit dans le Coran dites si إن كنتم تحبوا الله سيبوزيني الله عز وجل فاتبعوني سويفي موا يعني سويفي لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كار الله عز وجل باري سي سور سا لونغ لا دي سويفي موا سي بور سا كو كونت كيلكان بارل دو الاسلام اتسيتيرا il fait des nous fait des conférences etc ensuite lui il est très loin de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم En fin de compte, celui-là, yani, il n'a presque yani, rien fait. Et puis les gens ne vont pas beaucoup le suivre. Parce qu'il contredit ce qu'il dit. Il dit aux gens, il faut aimer le prophète, il faut le suivre, il faut... Ensuite, lui, il ne fait pas ce que nous a dit le prophète, alayhi wa sallam, de faire. Ou bien, il fait ce qu'il nous a dit de ne pas faire. Ou bien, il fait ce qu'il nous a dit de ne pas faire. المهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي وفقنا واعاننا وشرح لنا صدورنا ويسر لنا الطريق وهدانا للكتب هدانا للكتب الصحيحه والمنهج القويم ان شاء الله تعالى طيب يا بيرسون كي veut que je lui enlève le point rouge pour m'aider dans la traduction y a personne aujourd'hui Pour quelqu'un qui connaît seulement un peu les deux langues. Ayoum Abdullah, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre? Inch'Allah, elle fait Wahad Fali. Abu wa Ummulina. Tayyib. Ou elle, bil munasaba, elle fait saut. Elle le saut, yani, wadih, munasabi wadih. الصوت هل هو واضح ام ليس بواضح نعم الحمد لله ابو باكو دونك سي كيلكان كي فو نو زيد ان شاء الله تعالى سولمون كي لاف سما ان شاء الله تعالى ان نو زيد كوم سا ان شاء الله تعالى اجر باسكو لوسكي نو زيد il est en train de faire la da'wa il est en train de faire la da'wa à Allah سبحانه وتعالى car il est en train de les Les gens afin qu'ils comprennent le din de Allah subhanahu wa ta'ala. Bilal Salafi, je ne le vois pas. Je ne vois pas où il est dans la salle. C'est écrit Bilal Salafi, je ne vois pas où il est dans la salle. C'est 4. C'est moi. Abu Umulina, c'est toi Bilal Salafi. C'est toi Bilal Abu Lina. Moi. Oui, c'est toi. Ah, Jazakallahu khairan. Barakallahu fik. On commence, Inch'Allah, par le premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. il a dit dans ce hadith, istahyou min Allahi haqq al-hayai. Ayez honte. Moi je dis ayez honte, hein, bien soyez pudiques. Allah elle m'a peu près, inchallah je sais que vous avez compris. Istahyou min Allah, ayez honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, haqq al-haya. Yani, la vraie honte. Maintenant, il va nous montrer c'est quoi la vraie honte. Et est-ce que vraiment nous, on a honte, nistahi min Allah subhanahu wa ta'ala, la nistahi. Est-ce que, je ne sais pas si ça se dit on a honte, mais vous avez compris, en arabe on dit istahi. Comme la femme dit par exemple, anastahi min ar-rajul hada, anastahi, j'ai honte de cet homme, j'enlève pas je ne montre pas mes cheveux, etc. Yani istahi, ya. Istahi min Allah, haqq al-haya. Man istahya, ou istahya, nafs al-shi. Min Allah, haqq al-haya. Ensuite, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie honte, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, fal yahfad al-ra'sa wa mawa'a. Fal yahfad, qu'il protège donc, yahfad sa tête, al-ra'sa. Et ce qu'il y a autour du ra'sada, autour de la tête. Qu'est-ce qu'il y a par exemple dans la tête? Il y a d'abord les yeux. Si on a vraiment honte d'Allah subhanahu wa azzawajal, on ne voit pas avec nos yeux ce que Allah azzawajal a fait haram. Si on a honte d'Allah azzawajal, on ne voit pas, on ne regarde pas avec nos yeux quelque chose que Allah azzawajal a dit, c'est haram. Ensuite il y a la bouche, on ne mange pas quelque chose qui est haram, on ne la fait pas passer par la bouche. Ensuite il y a la langue à l'intérieur, si on a honte de Allah subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas avec notre langue des choses que Allah azzawajal n'aimerait pas entendre. Ensuite il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal yahfad al batna wa ma hawa, wal yahfad al batna wa ma hawa. Et qu'il protège aussi son ventre et ce qu'il y a autour. Donc, son ventre, ça veut dire qu'il ne mange pas les choses que Allah Azza wa Jal a interdites. Les choses que Allah Azza wa Jal a interdites, on ne les mange pas. Et vous savez que par exemple, l'une des grandes premières conditions pour que Allah Azza wa Jal t'exauce ton doua, il faut que tu sois du genre qui ne mange que le halal. Ça veut dire quiconque mange le haram ou bien s'habille avec du haram, celui-là, même s'il fait des doigts toute la nuit, Allah Azza wa Jal ne va pas les exaucer, comme dans un hadith sahih que vous connaissez, qui est très connu, qui est chez le Bukhari. Est-ce qu'il y a autour du ventre? C'est aussi yani ce que les gens ont entre leurs jambes, ils doivent ne faire ça, bien sûr ils doivent yani maintenir leur désir. Et bien sûr en islam il n'y a que le mariage, en islam il n'y a que le mariage où il y a le mukliyamin. C'est quand on fait une guerre sainte, les ennemis, etc., comprennent avec nous. Ensuite, ça, on les partage, ça devient mukliyamin. Mais puisque maintenant il n'y a pas ça, ça reste quoi? La seule issue pour le musulman, c'est le mariage. C'est pour ça que le prophète, alayhi sallam, disait, ya ma'shar shabab, man istata aminkum al-da'a fi yatazawwaj. Il dit pas, ya ma'shar shuyukh. Maintenant, on se marie à 40 ans, à 45 ans. Autrefois, on se mariait très jeune. Et Aïcha radiallahu ta'ala anha s'est mariée à l'âge de 6 ans. À 6 ans, elle avait fait déjà l'acte. Et à 9 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec elle la nuit nuptiale. Il est rentré quand elle avait 9 ans. Donc, on essaye, si on peut, bien sûr, de marier nos enfants, par exemple, assez jeunes. Par exemple, à 18 ans, à 20 ans, si on peut. Déjà, ils auront des enfants pour pouvoir les éduquer, etc. C'est facile quand on est jeune. Et deuxièmement, à cause de la fitna, plutôt à cause des fitnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith où il y a Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ya Rasulallah, la najidu manatazawwaju bihi. Je donne le sens, ça. C'est dans le Bukhari, c'est à peu près comme ça. Il lui a dit, ya Rasulallah, il n'y a pas, entre temps, pour se marier. Il faut avoir la bête, etc. On n'a pas. Hal nakhtasi. Nakhtasi, c'est un peu difficile à dire en français, mais je vais vous dire à peu près, vous allez comprendre. Nakhtasi, castré. Jazakallahu khair. Non, se castrer. Exactement, c'est enlever les testicules. Enlever les testicules. Ça se fait pour les animaux. Pour les animaux, ça se fait, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit si on le fait dans un but. Lequel? Le but, par exemple, on le fait au mouton ou là. Bon, le but, afin que, parce que quand on le castre, il ne peut pas faire les rapports, même s'il fait, il ne faiblit pas. Donc, il va avoir une bonne viande. Sa viande, va être très, très bonne et, la vie va jiddan. Parce que, quand on le castre, il n'a plus de tentation. Donc, Abu Huraira a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on se castre, il n'y a que cette solution. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit non, bien sûr. Ensuite, je crois que c'est là qu'il a dit, من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فعليه بالصوم. Celui qui peut, qui se marie, s'il peut pas, il n'a pas d'argent ou là il est malade ou là il peut pas, alors il faut qu'il fasse des saumes, il jeûne. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Parce que quand on fait le jeûne, on fait saumes, on devient faible et on n'a plus envie de faire des choses pareilles, ni on pense à des choses pareilles. Donc, une petite remarque ici. Vous remarquez que Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, quand il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on se castre, il n'y a pas de solution. Vous remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, il l'a directement orienté vers quoi? Vers ou bien le mariage, si tu peux pas, tu vas directement au jeûne, tu fais le jeûne. Tu vas faire le nafila comme ça, par exemple le lundi, le jeudi, ou bien tu fais jour après jour, ça faiblit comme j'ai dit. Et, c'est ça, voilà la parenthèse que je voulais ouvrir. Si c'était permis de faire ce que font mal SF beaucoup de gens, ça veut dire, ils font le plaisir eux-mêmes, je veux dire avec leurs mains. Beaucoup de gens font cela mal SF et ils disent c'est pas interdit, alors que c'est interdit, c'est illicite, c'est haram. Si c'était permis, comme a dit Ibn Hajr al-Asqalani Fath al-Bari, il a dit si cela était permis, le prophète alayhi salam l'aurait dit en cet instant exactement. S'il y a quelque chose que Allah Azza wa Jalla aime et qui est facile pour les musulmans, je ne vois pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur aurait pas montré cela ici dans ce contexte. Il y a quelqu'un qui vient te dire je vais mourir, qu'est-ce que je dois faire, je me castre, qu'est-ce que je fais, et tu sais que c'est halal et tu lui dis pas fait avec ta main. Si tu lui dis pas c'est que vraiment c'est haram, alors tu lui dis va faire le jeûne. Donc ceux qui disent que c'est halal, etc., cela bien sûr ce sont des gens de tentation. Et puis ce qui est choquant aussi, c'est que au moins si c'était les tentations qui venaient d'elles-mêmes. Par exemple une femme, il est chez lui, il lit les livres, il lit le Coran, etc. Ensuite il a des tentations, peut-être qu'il est dépassé, peut-être qu'il est dans la daroura, peut-être qu'il fait ça une fois dans sa vie, mais cela non. Là-bas, lui il va s'asseoir en face de la télévision, il va voir des films osés, des films de haram, des films que ne voient que les pervers, que le fasiq, ensuite il ne peut plus se retenir, ensuite il va chez l'imam et lui dit j'ai des machakils, comment je fais, j'ai des problèmes, comment je fais, je n'ai pas ma femme, elle est loin de moi, je ne suis pas marié, etc., cherche-moi une solution. Et l'islam n'a jamais dit tu vas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite tu vas chercher la solution. Jamais l'islam n'a dit ça. L'islam t'a dit, obéis à Allah Azza wa Jalla, obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, si tu as une mouchkila, un problème, Allah Azza wa Jalla va t'ouvrir cette mouchkila. Et ils n'ont pas ou même yassidullah. Non. Man yattaqillah, ceux qui craignent Allah, celui-là, naam, la zéli, il y a là-haut, makhrajan. Donc ceux-là, ils vont s'asseoir, comme je dis, devant l'intelligence, etc. Ensuite, il va dire, je peux pas me retenir. Je peux pas te retenir, c'est toi qui a fait bouillir ces trucs-là dans ton cœur. Parce que tu t'es assis, tu as vu, etc. Si tu avais, c'est avec le verset qui dit que les mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfadu furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un, tu n'aurais pas yani eu cette tentation, parce que le regard, comme disent les ulama, le regard c'est une fenêtre au cœur, c'est une fenêtre au cœur. D'ailleurs on a toujours dit loin des yeux, loin du cœur, tu ne vois pas la personne ou là, tu l'oublies, tu ne vois pas la chose, tu l'oublies, et quand tu la vois, qu'est-ce qu'elle va? Elle va directement dans ton cœur cette chose. Pardon, j'arrête une seconde. J'ai un téléphone urgent, une seconde. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et vous savez que maintenant nous sommes, surtout dans ces moments, nous sommes nous vivons une époque où celui qui se retire, celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui évite le maximum, je dis le haram, il ne peut pas bien sûr éviter tout le haram, il évite le maximum, fattakullah mastatatum, celui-là, il aura le jour du jugement dernier, yani des choses yani que peut-être que beaucoup n'auront pas. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est sahih, il est chez l'Albani aïdan, il dit que, à peu près je vous donne son sens, il dit que il va arriver un temps difficile bien sûr, où celui parmi vous qui se tiendra et se retiendra, et yani retiendra ses tentations, etc., il aura un ajr de combien, de 50 shahids, un ajr de 50 shahids. Vous connaissez le ajr, un seul shahid, qu'est-ce qu'il a comme ajr? Il a dit 50 shahids qui ira de les shuhada, 50 shahids minkum, min sahaba, subhanallah l'adim. Il va arriver un temps où celui qui se retiendra, yani aura un ajr de 50 shahids, 50 شهيدة منكم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. استحاد الصحيح عند الشيخ الألباني على رحمة الله. نشمت البروفة صلى الله عليه وسلم عادي وليحفظ البطن وما حوى. donc il protège son ventre et ce qu'il y a entre ses jambes aussi. وليذكر الموت والبلا. Si vraiment tu rentres dans l'offre à Allah, comme je disais hier, il faut penser un peu à la mort ou le bila, il faut penser à l'époque, faut penser au temps que lorsque tu seras dans ce qu'on appelle le barzakh, c'est entre la mort et la résurrection, c'est-à-dire tout le temps qu'on passera dans la tombe. Et bien sûr, si une personne ne meurt pas une mort naturelle, par exemple c'est un lion qui mange cette personne, le ventre du lion, ce sera la tombe de cette personne, ce sera le berzakh de cette personne. Si quelqu'un, c'est un requin qu'il mange, donc le ventre du requin, c'est la tombe de cette personne. Donc toutes les personnes ont des tombes et toutes iront au berzakh, comme je venais de dire. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fadkur il mawt al bila. Donc pense à ce jour où il ne restera rien de toi. Quand tu seras dans la tombe, toute la chair, ta chair, vont en manger, les vers, etc. Ensuite, ils vont manger même les os. Il ne restera qu'une seule chose, il y a quelque chose, avec cette chose, l'Azawajal va nous recréer. Mais cette chose, elle est invisible à l'œil nu, bien sûr. C'est une chose qui reste dans la tombe, que personne ne peut voir. C'est là, tout en bas du dos, cette chose-là qui reste, que personne ne peut voir. Et donc, le prophète Hassan, il a dit, au lieu de courir le mort, qu'il pense à la mort beaucoup, ou le bila, et le jour où il ne sera plus rien, ou même arad al-akhira, Et celui qui vraiment veut l'au-delà, celui qui veut vraiment l'au-delà, ou même arad al-akhira, taraka zinat al-hayat al-dunya. Comme on disait exactement, taraka zinat al-hayat al-dunya. Il s'éloigne un peu de l'embellissement ou de la vie de ce bas monde. J'ai dit que la parure de ce bas monde. Parce que il la délaisse. Pourquoi? Parce que si ce bas monde, si cette parure du bas monde, si elle rentre dans ton cœur, personne ne peut la faire sortir. Ensuite, si elle rentre, elle s'augmente jour après jour. Mais si tu la délaisses, tu ne tiens qu'aux choses, yani, dont on a besoin. Les choses qu'on a besoin, ce n'est pas haram. Mais rentrer comme ça dans des choses, yani, qui ne sont ni nécessaires ni rien. Yani, passer sa vie, comme font beaucoup de kuffars et même de musulmans, etc. Passer sa vie, yani, de boutique en boutique pour acheter des choses, yani, futiles. Yani, des choses comme, par exemple, une petite statue, là, il y a des gens pour une petite statue, là, un petit bibelot. Il va rester des mois pour chercher un bibelot dans les magasins, je ne sais pas combien qu'il va donner, etc. Qu'est-ce qu'il va te faire ce bibelot s'il va te poser dans ce salon ou là tu ne vas pas te poser, et il va te rapprocher d'Allah ou là. Qu'est-ce qu'il va te faire avec ce petit bibelot? Je ne parle pas d'une statue, yani, une petite chose comme ça. Donc le vrai croyant, yani, il ne pense pas à ces choses-là. Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dunya, sijnul mu'min. Toi, tu es dans une prison, beaucoup de choses sont haram ici. Tu es dans une prison, mais demain, inshallah ta'ala, il y a quoi? Il y a un grand paradis qui t'attend. Le kuffar, le kafir, il est là, dans son paradis, il a tout, tout est halal, rien n'est haram, il fait ce qu'il veut. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Natija, résultat, وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Leur demeure éternelle, c'est l'enfer. Donc, le vrai musulman pense toujours que c'est, yani, il est là, yani, pour quelques heures, quelques jours, quelques mois seulement, et il va partir. C'est pour ça qu'Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala, nous disait toujours, Ou'dud nafsak min ashab al-qubur. Même le prophète, alayhi sallam, l'a dit, comme on va le voir. Donc, quand tu comptes les morts, fais en sorte que tu aies un des leurs. Si tu comptes les morts, tu vas dans un cimetière, tu vas compter par exemple les tombes, tu dis une tombe, deux tombes, compte toi aussi, sixième, septième, dis-moi aussi c'est la huitième. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu vas arriver et aller à la même place. Même si c'est pas demain, dans 20 ans, dans 30 ans, 30 ans, 40 ans, ça va passer très très très vite, ça va passer très vite. Et le prophète a dit, sont rares les gens de ma nation qui vont dépasser les 60. Les 70. Il a dit, ma nation c'est entre 60 et 70, et rares sont ceux qui dépassent la 70, et vous le remarquez maintenant, les gens très jeunes meurent. Donc toi tu penses toujours que il y a un grand jour qui t'attend, il y a un grand jour. Et l'autre, le kafir, puisqu'il ne croit pas à cela, c'est pour ça que c'est très logique qu'il profite, il profite le maximum, parce que il ne croit pas qu'il va y avoir un autre jour, un grand jour où il y aura tout. Donc c'est pour ça qu'il profite. Et c'est pour ça que le vrai musulman, il ne court pas après ce bas monde. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'essentiel, c'est ce qu'il y a en haut. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux et c'est plus durable. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ensuite, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاةِ. Celui qui a fait ce que j'ai dit, celui-là vraiment a eu honte de Allah Azza wa Jal, la vraie honte. A eu honte de Allah Azza wa Jal, la vraie honte. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة. يعني إلى في من في وبين فم إلى في quelque chose comme ça, comme un peu de une couleur noire sur les joues. Il a dit استرقوا لها, يعني cherchez le mot رقية. Elle a été touchée par un mauvais œil. Elle a été touchée par un mauvais œil. Ensuite le prophète عليه الصلاة والسلام a dit استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. استعيذوا بالله من العين. Réfugiez-vous auprès d'Allah du mauvais œil. Fa inna al-ayn haqq. Le mauvais œil existe et il est vrai. Et il est vrai. Parce que certains, mal asif, ne croient pas au mauvais œil. Alors qu'il est dans le Coran et dans la Sunna, bien sûr. Dans le Coran, au moins deux ou trois versets, et dans la Sunna, beaucoup d'ahadith. Même il y a un hadith peut-être qu'on va arriver à ce hadith, un hadith sahih qui dit que le prophète alayhi salatu wasalam il dit la plupart de ma nation meurt avec le mauvais œil. La hawla wa la quwwata illa billah. Non, quelqu'un il peut avoir un cancer à cause d'un mauvais œil. Un cancer il peut l'avoir à cause d'un mauvais œil. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit la plupart de ummati meurt avec le mauvais œil bil ayn. Subhanallah al-azim. Bil anfus. أكثر ما يموت من أمتي بالأنفس. الأنفس علماء دي العين. العين سبحان الله العظيم. ماذا العين هذه؟ الحمد لله لو celui qui suit le prophète عليه الصلاة والسلام, celui qui veut faire comme le prophète ويهتدي به ظاهرا وباطنا, celui là الحمد لله il se prémunise, il a les vaccins, il va pas à l'hôpital, on lui fait un vaccin, mais il va au Sahih al-Bukhari et il va à ces livres là, ce sont voilà les vrais hôpitaux. Il va là-bas, il apprend les douas, comment, afin qu'on n'ait pas le mauvais œil. Ou bien si on l'a, comment l'enlever. Ceux-là, alhamdoulilah, l'Azadji les a guidés, les a aidés, ils connaissent la sunna. Yani, le mal, même s'il les atteint, il n'est pas grave. Ils savent comment le contrer. Les autres, les pauvres, ils passent leur temps à jouer et à lire des journaux, à lire des magazines. Au lieu de lire quoi? Au lieu de lire les livres de la sunna, les livres qui vont les aider, les livres qui vont les rapprocher de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, non. Ils lisent du matin au soir, ils lisent le Figaro, ils lisent le Monde. Ils passent la journée à lire ces journaux. En fin de journée, tu me dis, ça fait 24 heures, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui quelque chose? Il m'a appris que X est devenu ministre, et l'autre il est devenu président, et l'autre il est au Palais des Nations, l'autre il est je sais pas où. Il m'a appris ni un hadith, ni un verset. Et Ali, radiallahu ta'ala, nous a dit, chaque jour qui passe, si je n'apprends pas quelque chose, yani quelque chose que Allah Azzawajal aime, un verset, un hadith, un tafsir, c'est un jour que Allah Azzawajal ne m'a pas fait descendre la baraka. Chaque jour qui passe, tu n'apprends pas quelque chose que Allah Azzawajal aime, au moins un hadith, ça veut dire que Allah Azzawajal ne t'a pas aidé en ce jour-là, il t'a délaissé, il t'a laissé seul comme ça, égaré, tu n'as rien appris qu'une chose que Allah Azzawajal aime. Et il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré une fois à la mosquée, il a trouvé deux halqat, je ne sais pas comment on dit halqat, il y a deux comme ça, un groupe de gens de compagnons assis et un deuxième groupe assis, un cercle de gens comme ça assis et un groupe comme ça assis dans un cercle, un ensemble ou un assemblage là. Et même les uns, un cercle, un groupe était en train de lire le Coran et un groupe était en train de faire le fiqh. Il est allé, il s'est assis avec ceux qui font le fiqh et il a dit innama bu'ithtu mu'alliman. Donc celui qui apprend, qui veut apprendre ou celui qui fait apprendre, ceux-là sont les meilleurs عند Allah subhanahu wa azawajal. Celui qui veut apprendre ou bien veut quoi, ou bien apprend aux autres, ceux-là sont les meilleurs ou parmi les meilleurs in Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le prophète alayhi salatu wasalam a dit ista'inu ala injahi al-hawa'iji bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Naam, ista'inu ala injahi al-hawa'iji bil kitman. Lorsque tu as un projet, si tu veux que ce projet inshallah ta'ala marche, le prophète alayhi salatu wasalam a dit Aide-toi, mais il faut que tu t'aides toi-même. Aide-toi avec quoi? Aide-toi à ne pas dire ce projet, mais à le cacher. Ista'inu ala injahi, afin que ça réussisse, injah, al-hawa'ij, les choses que vous voulez faire, ou là, les projets, bil-kitman. Bil-kitman, ça veut dire ne pas le dire. C'est pas quand on veut faire quelque chose, on va le dire à tout le monde. On va aller au café, on s'assoit devant n'importe qui, toutes les connaissances, on va leur dire, on leur téléphone, on va faire ceci, on va faire cela. De préférence, tu ne dis à personne, sauf bien sûr si tu sais que vraiment cette personne t'aime beaucoup, et encore, elle t'aime, et il se peut que ce jour-là, quand elle entend ce projet-là, qu'elle sente quelque chose dans son cœur, ce qu'on appelle le hasad, la jalousie. Il se peut, c'est quelque chose de normal. On a tout ça dans le cœur. Al-hasad Allah tous. C'est pour ça que Allah a dit قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ثم إلى من شر ومن شر حاسد إلى من شر حاسد إذا حسد من شر حاسد لا normal de la jalousie s'il jalouse il est hasad ça veut dire s'il ne jalouse pas c'est permis yani, la jalousie tu l'as dans le cœur on a tous la jalousie dans le cœur mais il est hasad mais si t'hasad tu fais la jalousie ça ce qui est interdit donc le prophète alayhi sallam a dit essayez si vous voulez yani, vous avez un projet ou là essayez de yani, le cacher au maximum حتى إن شاء الله تعالى ينجح ثم قال فإن كل ذي نعمة محسوب سبحان الله العظيم chaque personne qui a une نعمة ou que الله عز وجل va lui donner une نعمة ou que الله عز وجل lui a donné une نعمة il y a toujours des gens qui lui font la jalousie il y a toujours des gens qui lui font la jalousie c'est pour ça que plus tu caches plus c'est mieux plus إن شاء الله تعالى ça marche j'oublierai pas ici dans ce contexte de comment qu'on dit pour vous faire remarquer qu'il y a un hadith faible hadith vaif il ressemble beaucoup à celui-là prévenir qu'il y a un hadith faible celui-là c'est un hadith sahih que je viens de dire il y a un hadith faible où il est ajouté un mot à cause de ce mot le hadith est faible que dit l'autre hadith il dit ista'inu ala injah al hawa'ij بالسر والكتمان إلا أجوتي لهم سر بالسر والكتمان عندما حديث فابل أكوز يوم سر من الفري حديث له صحيح استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان سيبا بك السر سي بالكتمان كتمان سيبدي tu laisses ça dans ton cœur tu ne le dis pas tu ne le dis à personne et la différence entre الكتمان et سر الكتمان tu ne le dis pas et سر tu le dis mais tu le dis seulement et en cachette tu le dis en cachette celui-là a dit non bilkitman yani tu ne dis pas ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر le prophète صلى الله عليه وسلم quand il nous montre ici une sunna quand on veut par exemple faire un voyage on veut faire un voyage celui qui va partir qu'est-ce qu'il dit استودعكم الله دينكم عفوا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه et les autres par exemple ses parents qui vont rester à la maison lui disent استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك bien sûr si الله عز وجل exauce un doua pareil pour quelqu'un qui va aller en safar quelqu'un qui va aller يعني, en voyage il aura fait quel doua il a dit استودعكم الله je vous laisse comme amana je vous laisse comme vous savez ce que c'est une amana par exemple je vais aller en voyage je te laisse par exemple ma voiture je te dis elle est amana chez toi tu la gardes chez toi quand je reviens tu me la donnes maintenant dans ce doigt tu as laissé tes parents un dépôt tu as laissé tes parents un dépôt chez qui chez Allah subhanahu wa ta'ala استودعكم الله Allah c'est pas une autre personne c'est pas X, c'est pas le je ne sais pas qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala je vais vous laisser chez lui lequel jamais ces dépôts là ne se perdent et les parents lui font aussi un doua au musafir qu'est-ce qu'ils disent dinaka. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala hein, qu'il conserve qu'il protège ton din c'est pas ton argent hein, l'argent si on te le vole tu peux l'argent peut t'en donner beaucoup plus en un jour il peut te rendre riche mais le din si l'argent t'enlève le din et ça devient méchant ou bien il devient pervers c'est ça la grande mouchkila faut pas penser seulement à l'argent faut penser au din وأمانتك وخواتيم عملك خواتيم عملك مصابك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم donc tout ce qu'on fait nous l'essentiel c'est quoi c'est comment qu'on va mourir c'est la fin qui compte une personne peut passer toute sa vie dans les bars et dans les haram et dans une un jour avant de mourir, il fait le repentir. Celui-là, Inch'Allah ta'ala, si son repentir est sincère, Inch'Allah ta'ala, il est le Jannah. Il est le Jannah. Et quelqu'un peut passer, et ça c'était très malheureux, toute sa vie dans la mosquée. Toute sa vie, 20 ou la 30 ans là dans la mosquée. Et il reste un jour avant de mourir, hein, il va aller au bar et je ne sais pas où il va aller. Et s'il ne va pas mettre la croix sur son cou, yani, c'est déjà quelque chose. Donc, l'essentiel c'est quoi? C'est la fin. L'essentiel c'est la fin. C'est pour ça que le prophète, à chaque fois il disait, la ya muqallib al-qulub, la ya musarrif al-qulub, ya musarrif al-qulub, isrif qulubana ala ta'atik, wa fi ukhra ila ta'atik. Il disait cela beaucoup. Et donc, oh Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana, wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. C'est un dua. Oh Allah, ne fais pas, yani, la tuzigh qulubana, ne fais pas, yani, changer nos cœurs, par exemple, de la croyance vers le kufr, après que tu nous as guidés. Parce que, comme dans le hadith sahih, tous les cœurs de toutes les créatures sont entre deux doigts d'Allah Azza wa Jal. Il les renverse comme il veut. Allah Azza wa Jal peut renverser un cœur de quelqu'un en 30 secondes ou en 1 seconde, il peut tout lui changer. Mais là, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose. C'est que ce n'est pas une question de fawda. Fawda, vous savez ce que ça veut dire? Qui peut me dire comment on dit le fawda? Fawda, ça veut dire que, yani, c'est des choses, toi, toute ta vie, tu vas passer à la mosquée, ensuite, et voilà, le dernier jour, tu te trouves dans un bar, tu meurs, peut-être mécréant, peut-être pervers. Et l'autre, c'est le contraire, toute sa vie dans le bar, ensuite, il se trouve, yani, à la mosquée. Il faut savoir que Allah Azza wa Jal, quand quelqu'un est sincère avec Allah Azza wa Jal, jamais, il ne le fait dévier de la route. Quand on dit que quelqu'un il a passé 20 ans à la mosquée, ensuite, le dernier jour il a dévié, pourquoi? Parce que lui, en son cœur, il a dévié. Et Allah Azza wa Jal a dit, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Il a dit, lorsqu'ils ont dévié, alors je l'ai dévié. Lorsqu'ils ont dévié, je l'ai dévié. Mais quand Allah Azza wa Jal, il sait que dans ton cœur, tu es sincère, il sait que tu l'aimes, il sait que tu veux te rapprocher encore plus de lui, il sait que tu veux le paradis, il sait que tu as peur de l'enfer, tu dis jamais Allah Azza wa Jal ne le dévie. Parce que Allah Azza wa Jal est juste. Allah Azza wa Jal yuhib al-muhsinin, yuhib al-muttaqin, yuhib al-mutatahirin. Allah Azza wa Jal la yuhib al-mujrimin, la yuhib al-zalimin, la yuhib al-kuffar, la yuhib al-fussaq. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. Si Allah Azza wa Jal sait qu'il y a dans votre cœur du bien, il vous donne du bien. Donc s'il te donne du mal, c'est pourquoi? C'est parce qu'il sait qu'il a vu qu'il y a dans ton cœur le mal. Il a vu que dans ton cœur, tu ne veux pas cet islam. Il y a même peut-être qui regrette. Ils disent, Allah, avant de faire le repentir, ils disent, j'étais masha'Allah. Tout était halal. Maintenant, j'ai fait le repentir. C'est un peu difficile. Ah, les femmes c'est interdit, l'alcool c'est interdit, la cigarette c'est interdit, tout est interdit. Je vois pas la télévision, je vois pas le haram, je vois pas. Ouais, j'écoute pas la musique, oh là, c'est interdit. Hein. J'étais mieux auparavant. Si tu dis cela, hein, tu vas pas tarder, Allah Azza wa Jal va t'enlever ça de ton cœur. Il va te dire, il y a des gens qui acceptent cela et qui acceptent plus que cela. Khalid, donc toi tu ne veux pas cela. Moi je vais t'enlever cela et je vais le donner à quelqu'un qui le mérite. Et toi, je vais t'ouvrir les portes de quoi? Les portes ici qui vont emmener à l'enfer. Comme il a dit dans le Coran, ça nous yassiruhu lil usra. On lui ouvre les portes de quoi? Lil usra, des difficultés et des choses qui mènent à l'enfer. Et il a dit auparavant, lorsqu'on a nommé les croyants, ça nous yassiruhu lil usra. On lui ouvre les portes, yani, pour lui faciliter les choses, lui faciliter l'adoration, lui faciliter les choses que j'aime, lui faciliter le chemin qui mène au paradis. Donc, tout est, yani, ce qu'il y a dans mon cœur, ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, et que seul Allah Azza wa Jal connaît bien sûr, ça a un grand rôle. ça a un grand rôle. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُوا مُغَيَّنًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Vous avez entendu ce que Allah Azzawajal a dit? Il a dit, car, je vous donne à peu près, car Allah Azzawajal n'enlève jamais une ni'ma, un bienfait à quelqu'un sans que cette personne elle-même n'a plus voulu ce bienfait. Il a dit jamais. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُوا مُغَيِّرًا. Il change ni'matan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ ni'matan. Bon, j'ai oublié comment on connaît. Jusqu'à ce qu'ils changent eux ce qu'il y a dans leur cœur. Toi tu avais l'iman, tu avais la croyance, maintenant tu veux changer, l'azul il va changer, il va te changer. Pourquoi il va te changer? Il est injuste. Non, il a vu dans ton cœur que tu as changé, tu n'aimes plus cela. Il y a beaucoup, des millions de gens qui aiment cela, il va leur donner aux autres. C'est pour ça que au lieu de faire les doua, de dire, demander à l'azul de pleurer, se mettre à genoux, de se prosterner et de demander à l'azur de ne pas te dévier et de te guider vers le droit chemin et de t'aider afin que tu le rencontres demain réjoui de toi, de t'aider afin d'aller au paradis, de t'aider afin de ne pas dévier la route, de t'aider afin de ne pas faire les grands péchés, etc. Celui-là, il dit le contraire. Il dit, moi, j'en ai marre, etc. Donc, celui-là, c'est lui qui a voulu et l'azur a été juste quand il lui a enlevé ce qu'il avait dans le cœur, il l'a donné à un autre. Ensuite, le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith, j'arrête seulement une seconde pour, je vois pas bien, j'allume la lumière, une seconde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le prophète عليه الصلاة والسلام était en train de parler avec ses épouses. Une fois, il était en train de parler avec ses épouses. Elles étaient 13 et quand il est mort صلى الله عليه وسلم, il a laissé exactement 9. Quand il est mort, il a laissé 9. Il était en train le prophète صلى الله عليه وسلم, comme vous devez le savoir, chaque nuit, il passait la nuit avec une de ses épouses. Sauf Sauda radiallahu ta'ala anha, qui était assez âgée, qui avait donné sa nuit, elle a donné à Aïcha radiallahu ta'ala anha. Pourquoi? Parce que comme elle était assez âgée, le prophète alayhi sallam avait voulu la divorcer. Elle a dit, ya Rasulallah, ne me divorce pas. Pourquoi? Afin qu'elle soit sa femme aussi dans le paradis. Donc, elle voit très loin. Ne me divorce pas et je donne ma nuit à Aïcha radiallahu ta'ala anha. Car elle a choisi Aïcha, car elle savait que le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam aimait beaucoup Aïcha. Donc, le prophète alayhi sallallahu alayhi sallam passait deux nuits avec Aïcha et une nuit avec les autres. Une fois, et je voulais dire, et chaque nuit, que faisaient toutes les épouses? Chaque nuit, elle veillait un peu, ça veut dire peut-être une heure, peut-être, elle veillait un peu, ou bien peut-être entre le Maghrib et le Aïcha. Elles se rencontraient chaque nuit dans la maison où le prophète alayhi sallam allait dormir. Si aujourd'hui il va dormir dans la chambre, dans la maison d'Aïcha, elle se rencontre chez Aïcha radiallahu ta'ala anha. Si demain c'est chez, par exemple, Salama, demain c'est chez Salama, ils vont se rencontrer. Alhamdulillah, ils étaient elles se comprenaient beaucoup. Une fois il leur a dit, le prophète alayhi sallam, il leur a dit, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yada. أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous a dit, استغفر الله تعالى, celle qui va me rejoindre le plus vite possible, après que je meurs, celle qui va mourir juste après moi, me rejoindre bien sûr, c'est celle qui a les plus longues mains, c'est celle qui a les mains les plus longues. Alors, Aïcha radiallahu ta'ala anha, comme c'est dans le Bukhari, le hadith il est dans le Bukhari, mais j'ai oublié seulement si c'est Aïcha qui dit ou bien une Zainab ou là qui disait, elle disait, alors chaque soir, quand on se rencontrait, avant que le prophète alayhi sallam ne venait, on se mettait contre le mur, on levait les mains, et on essayait de voir laquelle de nous avait les mains les plus longues. avec les mains, la plus longue, bien sûr, c'est pas pour, yani c'est pour, yani, hatta yafrahna, elle n'avait pas peur de la mort, hein. Yani chacune d'elles souhaitait qu'elle ait les mains les plus longues pour qu'elle soit celle qui meurt la première afin, yani, de rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais je disais, chaque soir, elle levait les mains pour essayer de voir laquelle d'entre elles avait les mains les plus longues. Ensuite, la première qui est morte après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Zaynab bint Jahsh. Et Zaynab bint Jahsh, radiyallahu ta'ala anha, c'était l'une de ses épouses la plus petite de taille. Si ce n'était pas la plus petite. Et quand une femme ou un homme est petit de taille, il faut que ses mains ne soient pas longues. Même ses jambes ne soient pas longues. C'est normal, c'est pour ça qu'il est petit de taille. Donc, ils se sont dit, subhanallah al-azim, c'est impossible que le prophète alayhi salam dise quelque chose que ce soit pas vrai. Comment qu'elle est morte avant nous, alors que ses mains ne sont pas les mains les plus longues. Ensuite, elles ont bien réfléchi. Je ne sais pas que l'azim les a aidés pour comprendre que le prophète alayhi salam, quand il a dit, celle qui a les mains les plus longues, c'est celle qui va me rejoindre le plus vite. Ça veut dire, quand on dit quelqu'un, il a, en arabe bien sûr, c'est pas en français, quand on dit en arabe quelqu'un, il a les mains longues, ça veut dire qu'il fait beaucoup le monde, il fait beaucoup sortir l'argent. Et Zaynab bint Jahsh, jamais elle gardait un sou chez elle, jamais. Elle faisait beaucoup le monde, elle donnait beaucoup aux mendiants, beaucoup yani, aux fuqara et aux pauvres, etc. C'est pour ça le prophète sallam a dit que c'est elle qui allait mourir la première. Donc, Allah yu'inana wa yuwaffiqana yu'inana ala ta'ati azza wa jal. Donc, je vous ai dit une fois, de là vous comprenez que quelqu'un qui comprend l'islam en arabe, il va le comprendre beaucoup mieux que ceux qui comprennent une autre langue. Parce que si on traduit, peut-être qu'on va traduire atwalukuna yedem, on va dire celle qui a les mains plus longues. Ensuite, ça donne faux les mains plus longues ici, ça veut dire autre chose. C'est pour ça que ça m'a étonné une fois, j'ai lu quel livre, j'ai lu Sahih al-Bukhari en français, et j'ai lu que quand il est arrivé au hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans un hadith que si Allah azza wa jalla prend les yeux de quelqu'un, il n'aura de récompense que le paradis. Il n'y a pas plus que le paradis, parce que c'est une grande épreuve. Là, je prends les yeux de quelqu'un, c'est une grande épreuve. Ça, c'est écrit en arabe. En français, comment l'autre il a traduit? Bien sûr, en arabe, le hadith n'a pas dit les yeux. Il a dit kalimatayh. Kalimatayh, ça veut dire les yeux. L'autre, celui qui a traduit kalimatayh, il a dit ces deux femmes. Il a dit, si l'Azhar lui prend, quelqu'un est marié par exemple avec quatre, et l'Azhar lui prend deux femmes, celui-là, il va yani, aller au paradis, parmi les premiers, subhanallah al-adil. Quand quelqu'un ne connaît pas bien l'arabe, comment qu'il va traduire? Il va traduire faux. Kalimatayh, c'est ses yeux, il les a traduits, deux femmes, deux épouses. C'est pour ça que, moi, des fois, même quand je vois le tafsir ici dans l'internet, je vois par exemple le Coran qui est traduit, je trouve qu'il y a beaucoup de fautes. Traduit de l'arabe en français, je trouve que c'est une traduction des fois elle est intégrale seulement. Yani, il a traduit le mot, mais le mot, il n'a pas traduit dans le contexte. Il a traduit seul, il a fait sortir le mot seul, il a vu le dictionnaire, que ça veut dire ce mot, ça veut dire ceci, khlas. Il l'a rentré dans le verset, il a dit voilà ce que ça veut dire, alors que ça n'a aucun rapport des fois avec le verset. Ensuite, le prophète alayhi sallam a dit, Asraqun nas, le plus voleur des gens, alladhi yusriqu salatahu, c'est celui qui vole sa prière, Comment cela? Il a dit, la yutimmu ruku'aha, il ne finit pas son inclinaison. Wa la sujudaha, il ne termine pas sa prosternation. Et après le nes est le plus avare des gens, même Bakhila Bissalam, celui qui dit pas salam alaikum. C'est l'un des plus avares. Pourquoi il est avare? Quand tu dis salam alaikum, tu as 10 hasanat. tu dis salam alaykoum wa rahmatullah, tu as 20 hasana. Tu dis salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, tu as 30 hasana. Tu dis wa barakatuh wa maghfiratuh, tu as 40 hasana. Alors celui-là, il ne dit même pas salam alaykoum. Ça veut dire c'est quoi? C'est un avare celui-là. Il s'est avare, il n'aime pas les hasanat. Il n'aime pas les hasanat. Le prophète a dit, il n'y a pas quelqu'un de voleur comme celui qui vole dans la salat. Non, quelqu'un peut devenir voleur, il ne vole pas les portefeuilles des gens. Il vole quoi? Il vole quelque chose qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus grave. Si tu voles l'argent des gens, tu as lésé une personne. Après le tabbara ala ala shakhs, ala inzan mutlik. Lakin, tsiqu shay'an min haqqillah azza wa jal, mais tu voles quelque chose que qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, à la salat, donc il n'y a pas de plus grand voleur. C'est pour ça que le prophète a dit, il n'y a pas de plus grand voleur que celui qui vole dans la salat. Comment il vole dans la prière? Il a dit, la yutimu rukua. Voilà, il a dit Allahu Akbar, il a lu le Fatiha, il a lu la Surah, ensuite il dit Allahu Akbar, il descend. À peine il commence à descendre, il dit, Sami Allah lin hamida. Yani, moi j'ai vu des centaines comme ça dans la mosquée. Juste il est en train de descendre, il n'attend rien, il dit Sami Allah lin hamida. Ensuite, juste il se lève, hein, au lieu de dire Rabbana wa lak alhamd, hamdan kathiran. Il doit même dire Sami Allah lin hamida, ensuite il dit Rabbana wa lak alhamd, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. Au moins. Sinon, il peut ajouter, comme le prophète Hassan a ajouté ici, 5 minutes. Ma'alish, il dit au moins Sami Allah lin hamida, Rabbana wa lak alhamd. Supposons qu'il s'arrête là. Mais il attend au moins que les os de ses épaules rentrent, حتى ترجع المفاصل الى مواضعها. Les os des omoplates, les os qu'on a dans le dos, on doit attendre qu'ils rentrent dans leur place. Pourquoi? Parce que quand tu étais debout, tu avais les deux mains sur la poitrine, la main droite sur la main gauche. Donc les os des omoplates du dos sont sortis de leur endroit. En croisant toi les mains, tes dos, tes os sont sortis. C'est pour ça quand tu dis Sami Allah lin hamida, ensuite tu lâches tes mains, tu attends au moins que les os du dos rentrent dans leur place. Sami Allah lin hamida, Rabbana wa lak alhamd. Tu attends un peu, ensuite tu descends. Cela, dès qu'il descend, dès qu'il touche la terre avec sa tête, il se relève. Ou bien très vite. Sop. Il dit maintenant subhanallah, subhanallah rabbi al-a'la. Sop. C'est comme s'il y avait un chat, lui dit sop. En Algérie, on dit au chat, lui dit sop, sop, yani on le haouze, sop. Celui-là, sop. Surtout quand il termine la salat, il fait tsbih. Sop. C'est quoi, dit sop? Il n'y a pas sop, là. C'est le chat, lui dit sop. Il dit subhanallah, voilà. Donc, cela, le prophète Hassan a dit, ceux-là sont les plus grands voleurs. Les plus grands voleurs, ce sont ceux qui volent dans la salat. Et bien sûr, celui qui fait une salat pareille, c'est quelqu'un qui n'a pas trop choix, il n'a pas la concentration. Et qui fait une salat pareille, ça veut dire que aussi, il n'est pas éduqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas éduqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama ont dit que celui par exemple qui n'a pas fait la prière pendant 30 ans, là ensuite il s'est repenti, ils ont dit le plus juste, c'est que c'est pas la peine qu'il rattrape. C'est pas la peine. On lui dit va faire la nafila, ça suffit. Il ne rattrape pas les 20 ans, les 30 ans, etc. Pourquoi? Au moins pour deux choses. Parce que le kafir, le mécréant, quand il fait le repentir, il rentre en islam, on ne lui dit pas va faire la prière que tu n'as pas faite. Et le musulman, comme a dit Ibn Taymiyyah, il a dit le musulman est mieux que le mécréant chez Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment le mécréant, il ne fait pas la prière, il ne la rattrape pas, et le musulman va lui dire rattrape. Il a dit ça, c'est la première. Deuxièmement, et ça a rapport avec le verse, deuxièmement, quand on dit à quelqu'un rattrape la prière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à la faire très vite. C'est une montagne qui est sur son dos. Ah, il va faire très vite, sop, zor, asr, maghrib, isha, sop, comme ça, très vite, alhamdoulilah, salam alaykoum, inshallah, akbar, salam, salam. Alors ça, c'est pas la salat que Allah Azza wa Jal veut. C'est pas la salat que Allah Azza wa Jal veut. La salat que Allah Azza wa Jal veut, c'est la salat où il y a le khushu. Qad aflaha al-mu'minun, alladina hum fi salatihim khashi'un. On gagne ou on triomphe les croyants, qui est ceux qui ont la concentration dans la salat. Il n'a pas dit ceux qui font la salat. il y a des millions qui font la salat qui la font fausse, ou là qui la font faible, ou là qui la font yani, déviée. C'est pour ça que quelqu'un a vu quelqu'un faire la prière quand il a terminé. Je crois que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, ça fait combien de temps que tu fais la prière? Il lui a dit, ça fait 40 ans. Il lui a dit, et cette personne-là, la faisait comme ça, très vite. Comme on dit nous, il picore, comme le coq. Tac, tac, tac, tac, tac. Alors il lui a dit, wallahi, si tu étais mort avant cela, yani, tu serais mort, une mort des djahilites. La mita, à la mita djahilia, ou à la millati d'islam. Ou bien tu serais mort, yani, pas sur le chemin des musulmans. Serait mort, une mort, yani, horrible. Celui-là, pourquoi? Parce qu'il faisait la prière, mais il faisait très vite, très vite. L'Azawajal t'a demandé de faire la prière avec la khushu, avec le khushu, avec la concentration. Au moins, tu sais ce que tu es en train de dire. Ensuite, quand tu fais la prosternation, tu te prosternes, tu poses le front et tu poses ton nez. N'oublie pas de poser le nez. Ne fais pas comme les autres qui posent seulement le front, ils lèvent le nez. Quand tu poses le front, pourquoi tu ne fais pas des doigts? Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. C'est un hadith sahih qui se trouve dans ce même livre. Pourquoi? Et tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il a dit ادعوني استجب لكم. Faites-moi des doigts, je vous exauce. Et tu sais qu'Allah Azza wa Jal, que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal, si on ne lui fait pas des doigts, il se course. Il se met en colère contre ceux qui ne font pas des doigts. Et pourtant, tu vois la personne, et amis, dès qu'elle pose la tête, dès qu'elle pose le front, hop, elle lève. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaikum. Certaines personnes, comme lorsque tu les vois faire la prière de cette sorte, là, tu sens un grand pincement dans le cœur, tu sens un grand chagrin dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il faut une prière. Je ne sais pas Allah si elle va être acceptée. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jalla a dit, j'accepterai de ceux qui sont de vrais pieux. Et je ne crois pas que quelqu'un qui fait la prière de cette sorte soit quelqu'un de vraiment de pieux. Je ne crois pas. D'ailleurs, la preuve, même si c'est un jahal qui n'assiste pas au cours, qui n'assiste pas, qui ne connaît pas les hadiths, mais si c'était un vrai pieux, yani, Allah Azza wa Jalla lui fait descendre dans son cœur, Sakina, ou Rahma. Tu le vois comme ça, Jahl, et tu le vois avec la prière, yani, doucement, comme ça, il va pas vite, etc. Tu sens, yani, il a le nord, il a la lumière dans le cœur. Il a la lumière à cause de la sincérité qu'il a. Tu m'as dit, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Ismullah al-A'zam, alladhi ida du'iya bihi ajab fi thalathi suwar. Min le Coran. Vous savez que Allah Azza wa Jal, lahu al-asma al-husna, il a les plus beaux noms. Et il a quelques noms, ça s'appelle l'A'zam. Je ne sais pas comment on dit l'A'zam, mais il y a deux ou trois. Il a dit l'un des deux, ism l'A'zam, l'un des deux des trois, parce qu'il a demandé divers combien il a de l'A'zam hada. Il a dit l'ism l'A'zam se trouve dans trois sourates. Il se trouve dans le verset de la sourate Al-Baqara, il se trouve dans sourate Ali Imran, il se trouve dans sourate Taha. Et toi, quand tu cherches dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a dans ces trois sourates, tu trouves qu'il y a le ism Adam, c'est Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Allah Azza wa Jalla dit dans la Baqara, c'est Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Il a dit dans sourate Ali Imran, il a dit, moi je vais chercher un peu l'aïe, il a dit, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzal alayka al-kitaba bil-haq. C'est le début. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc voilà aussi al-hayyul qayyum. Et dans, il a dit la troisième surah, wa taha, et à taha, donc taha Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Donc n'oublie pas, si tu fais le doigt, de dire اسألك اللهم اسألك يا الله بأنك أنت الحي القيوم بأنك أنت الحي القيوم أن تعطيني كذا وكذا. ولا تنسى قبل الدعاء أيضا أن تحمد الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تشرع إن شاء الله تعالى في الدعاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم peut-être je m'arrête dans ce hadith. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: اشترى رجل من رجل عقارا له. Il y a un homme autrefois qui a acheté d'un autre homme عقارا. Par exemple, il a acheté une maison, là il a acheté يعني, une épicerie ou la moune, يعني, c'est quelque chose عقار en arabe, c'est quelque chose يعني, de bâti. Il a acheté quelque chose de bâti. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. Ensuite, le bonhomme qui a acheté, par exemple, la maison, par exemple, je dis maison, un jour en creusant, il creusait, il a trouvé une cruche pleine d'or. Une cruche pleine d'or. فقال الذي اشترى العقار. Donc, celui qui a trouvé la cruche pleine d'or et qui avait acheté la maison a dit: خذ ذهبك مني. Il est allé chercher le vendeur, il lui a dit: Barakallahu fik, prends ton or. Inna mashtaritu minka al-ard. J'ai acheté la terre, walam abta'id dhahab. Ishtaritu minka, j'ai acheté la terre et je n'ai pas acheté l'or. Moi, quand j'ai acheté cette maison, par exemple, j'ai acheté la terre. J'ai pas acheté l'or qu'il y a. Subhanallah al-Azim, regardez, Ani, les gens pieux, imaginez maintenant que ça soit. Pourquoi je donne l'exemple des autres? Je donne l'exemple de moi. Imaginez que j'ai acheté par exemple de quelqu'un une maison, ensuite je creuse, je trouve une jarre pleine d'or. Est-ce que je vais aller chercher le propriétaire? Ou là je vais dire à ma femme et mes enfants: attention, si vous me faites sortir, le kalam, les voisins vont sortir, vont apprendre cela, et ils vont dire au propriétaire: attention, celui à qui tu as vendu a trouvé de l'or, viens prendre ton or. C'est comme ça qu'on va faire, qu'on fait en général. C'est comme ça, sauf les gens pieux, sauf les gens qui ont peur de Allah subhanahu wa ta'ala, qui font comme a fait celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, il est allé chercher, il lui a dit: viens prendre ton or, barakallahu fik. Moi j'ai acheté la maison, je n'ai pas acheté l'or. Faqala الذي له الأرض. Ensuite l'autre il a dit: إنما بعتك الأرض وما فيها. Pardon, moi je t'ai vendu la terre avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc remarquez aussi comment étaient les gens autrefois. L'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit: bien sûr, donne-moi mon or. Bien sûr, c'est mon or. Et alors, tu sais pas que c'est mon or? Alhamdulillah, tu me l'as ramené. Wallah, j'allais te mettre en prison. J'allais au tribunal. Alhamdulillah, tu as ramené l'or. Alhamdulillah. Non, il n'a pas dit cela. Il a dit le contraire. Il a dit: Wallah, moi je t'ai vendu la terre et je t'ai vendu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, ce que tu as trouvé à l'intérieur, c'est ton bien, ce n'est pas mon bien. Fatahakama ila rajul. Subhanallah al-Azim. Ils ont demandé à une troisième personne de juger et de voir lequel des deux a raison afin qu'il donne à l'autre l'or. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous, on cherche à quelqu'un, il va nous juger. Pourquoi? Pour que je prenne moi l'or. Voilà pourquoi moi je cherche quelqu'un pour qu'il juge. Je vais donner un peu d'or à l'avocat et je lui dis: aide-moi pour que ce soit moi qui prenne l'or. Celui-là, non. Ils ont cherché quelqu'un pour qu'il juge afin que chacun dise: je veux que l'autre prenne son or. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Donc, cette personne qui a jugé, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit: est-ce que l'un de vous a un garçon? Faqala ahaduhuma li ghulam. Il y a un des deux a dit: oui, j'ai un garçon, j'ai un ghulam. Et l'autre a dit: li jariya. Quand on dit ghulam ici, ça veut dire, si on veut dire un valet, yani un valet, quelqu'un qui travaille chez moi. L'autre il a dit: indi jariya, j'ai une fille. J'ai une fille ici qui aime la même chose, le féminin de Vali. Faqala, donc le juge, qu'est-ce qu'il a dit? Enkihul ghulam jariya. Marie, le garçon, elle a la fille. Wa anfiqou ala anfusikuma minhu. Donc avec cet or, mariez ce garçon à la fille. Et ensuite, yani, partagez cet or entre vous. Wa tasaddaqou, et donnez aux gens, etc. Faites le monde. Subhanallah al-Azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يكون معنا وأن يوفقنا وأن يعيننا. أتوقف هنا والكلام ما زال طويلا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إذا وفق الله عز وجل يكون الدرس غدا إن شاء الله تعالى في العقيدة، لأن هذه مدة من ندرس العقيدة وأخاف أن ننسى، لأنها أهم مادة كما لا يخفى عليكم. فيعني أهم شيء هو العقيدة، أيضا أحاديث مهمة جدا نعم، لكن كما قلت أهم شيء أن تكون عقيدة الإنسان عقيدة صحيحة. سيبقصاكو إن شاء الله تعالى ديما سيد الله عز وجل لدرسها عقيدة وعقيدة. السوكيون كريستيون إن شاء الله on commence dans 2-3 minutes. Si vous écrivez les questions, barakallahu fikoum, subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je n'oublierai pas de demander à quelqu'un, là, mes frères ou non, ceux qui savent où il y a par exemple l'internet, où il y a Windows, là-bas, qui gère l'arabe. Aujourd'hui, moi j'ai un Windows qui ne gère pas l'arabe. Ça veut dire que je peux pas faire descendre des programmes en arabe. Il fait sortir comme ça un langage bizarre. Un A avec deux points, un E avec deux points, des Y avec deux points à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Windows que j'ai fait monter ne gère pas l'arabe. C'est un Windows seulement anglais, Allahu a'lam. C'est pour ça que je ne sais pas, vous me dites, Ibn Abdullah ou bien l'autre, vous me dites, est-ce que par exemple, c'est écrit, Sahar Jamal Albani, 22h. Ensuite, est-ce que c'est écrit en arabe ou il y a des points d'interrogation? Parce que moi j'ai écrit en arabe, Sahar Jamal Al-Allama Al-Albani. Moi je vois des points d'interrogation, vous voyez, c'est pourquoi? Parce que le Windows là ne gère pas l'arabe. Inch'Allah ta'ala, بعد دقيقتين نلتقي. بارك الله فيكم جزاكم الله خير واخي دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي شيراز تفضل، بارك الله فيك، تفضل. بسم الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Justement, moi, je te parle de Windows pour l'arabe. Naam. Naam, chère, est-ce que tu peux m'attendre Naam, tu peux m'attendre après le dos, tu peux m'attendre un peu. De toute façon, je vais pas tarder, barklofik. Jazakallah, parce que sans l'arabe, c'est très difficile. Jazakallah, hein. Est-ce que tu as une question sur le dos? Jazakallah khair. Karimina, tafaddal ou tafaddali? Karimina, tafaddal ou tafaddali? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es dans la salle? D'accord, alors tu as posé la question, moi je la vois. Non, je ne l'ai pas reçu. Si tu peux la. Ça doit être trop long, exactement. Coupe-la, inshallah ta'ala, j'attends que tu la coupes. J'attends inshallah ta'ala. Tafadvala ou tafadvali, j'attends la réponse. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tout à l'heure j'ai été surpris quand tu as dit que le prophète Salam trouvait dans une voulait divorcer. Pour ça, est-ce que ça permet de demander des divorces quand son père est trop vieux ou très, alors c'est moi qui ai mal compris. D'abord, alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Tu as dit où ça commence la question. Est-ce que c'est permis de demander le divorce car son partenaire est trop vieux ou trop vieille, ou alors c'est moi qui ai mal compris? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas beaucoup resté avec cette femme. Il n'est pas beaucoup resté, je crois que c'est seulement quelques mois, peut-être une année, pas plus. Il n'est pas resté beaucoup avec cette femme. Quand je dis trop vieille, Naam, elle était très vieille pour lui. Lui, il s'est marié avec elle car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se mariait pas à cause des tentations. Il se mariait à cause, par exemple, il y a deux tribus, par exemple, qui ont des problèmes entre eux. Par exemple, il épouse une femme de cette tribu, une femme de l'autre tribu. Donc, ceux-là vont devenir ses gendres et ceux-là, les autres, ses gendres. Et ainsi, il a donc pu joindre entre, par exemple, deux tribus et enlever les problèmes. C'est pour ça que quand il s'est pas, par exemple, marié avec cette femme, il s'est marié, c'est pas à cause des tentations, mais à cause, par exemple, qu'elle était seule ou à cause de quelque chose comme ça. Ensuite, quand on se marie avec une femme, et quand on sait qu'on peut pas lui donner ses droits. Lui donner à une femme ses droits, ou bien la femme donne à son mari les droits, ça s'appelle des droits. Quand on sait qu'on peut pas leur donner, lui donner, donc à quoi ça sert de rester avec quelqu'un et de lui faire mal, de le léser. C'est pour ça que l'islam permet en ce sens de se séparer à l'amiable plutôt que de rester avec quelqu'un, par exemple, que on sait, par exemple, qu'on va pas lui donner ses droits. Et on a un autre hadith sahih de Fatima bint Qais radiallahu ta'ala anha, qui est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit Ya Rasulullah, Thabit ibn Qais, elle parle de son mari, Ama inni ma u'ibu alayhi fi khuluq wa la din, je n'ai rien à lui reprocher ni dans son comportement ni dans sa religion, quelqu'un de pur, mashallah. Walakinni akrahu al-kufr fi l'islam, mais j'ai peur de le kufr ici c'est kufr al-ashira, j'ai peur de ne pas lui donner ses droits en islam. Entre parenthèses, elle voulait dire que elle n'a pas pu l'aimer, c'est impossible. On n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas faire des choses avec lui comme ça sans l'aimer. Elle a dit akrahu al-kufr fi l'islam, je peux pas, ya Rasulallah, j'ai peur de venir, yani, pas mécréante, yani, devenir désobéissante, etc. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui, alayhi wa sallam, lui a dit, ataruddina ali hadiqatahu, tu lui rends le jardin qui sera donné comme dot, hein, il lui a donné un jardin hadiqatahu, taruddin, qat naam, je lui rends. Le prophète, alayhi wa sallam, a dit à son mari, aqbil al-hadiqa, prends ta dot et et sépare-toi d'elle. Ça s'appelle le khula, quand une femme sait qu'elle ne peut plus vivre avec son mari et elle a des causes valables, elle lui rend sa dot et le juge les sépare sans que ça soit un divorce, ça devient un khula, ça veut dire que ça compte pas comme un divorce, car chaque homme a trois divorces avec sa femme, quand il fait une séparation avec le khula, elle lui rend la dot, ça compte pas comme divorce, ça veut dire il peut encore la faire revenir combien de fois, trois fois, parce que ça compte pas, c'est comme s'il s'était jamais marié avec elle. Wallahu ta'ala a'lam. Ilham, tafadlali Ilham, barakallahu fik, j'espère que tu as compris Karimina, c'est parce que le prophète alayhi wa sallam n'a pas voulu yani en yadhlimaha. Non, fiki barakallah. Ilham, j'espère que ta question est déjà écrite. J'espère que ta question est déjà écrite, inshallah ta'ala. Tu l'as envoyé. Wallah, je la vois pas. Ensuite, jazakallah khair, Ilham, jazakallah khair, la prochaine fois, inshallah, essaie seulement de changer de couleur. Cette couleur est très difficile pour mes yeux. Essaie au moins d'écrire en noir, inshallah, ou là en bleu. Bleu foncé, ou là en noir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour les gens qui vont en vacances au bled pour une durée d'environ un mois, peut-on rassembler la prière de Dohr avec As et les prières du Maghreb avec Fat Aisha, et peut-on raccourcir Dohr et Aisha, barakallahu fikum. En ce qui concerne cette réponse, Ilham, aqul wa l'ilmu indallah subhanahu wa ta'ala, aqul, je te réponds inshallah ta'ala, je te dis, quand quelqu'un va au bled, le bled bien sûr, j'espère qu'il est loin inshallah ta'ala, quand il va au bled, en ce qui concerne joindre entre les deux salates, il ne le fait que dans le besoin. Non, dans le Maghreb. Non, joindre entre les deux salates, on ne le fait que dans le besoin, c'est-à-dire beaucoup de gens croient que joindre entre les deux salates c'est une sunna du voyage. Le cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit c'est pas vrai. Il a dit taqsir min salat, raccourcir la salat, il a dit sunna ratiba. Naam, c'est une sunna ratiba. Certains ont dit même c'est une obligation. Amma al-jama' fa inna rukhsa 'arida. Rukhsa 'arida, alors que grouper entre les deux, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se fait dans le besoin. C'est pour ça que même quand on ne voyage pas, on peut grouper entre deux salates. Même quand tu es dans ta maison, tu peux grouper entre deux salates si tu as un besoin. Mais tu ne peux jamais, par exemple, si tu ne fais pas le voyage, tu ne peux jamais raccourcir ta salate quand tu es dans la maison. Donc, ta question, quand il y a en fait deux questions, en ce qui concerne le groupement, si tu veux le faire au bled, tu le fais quand tu as quelque chose qui t'empêche de faire la prière à l'heure. Sinon, ce n'est pas une sunna du voyage. C'est laisser de soumettre sa femme. ثانيا فيما يخص القصر بيان سيغ اون سكي كونسيرن راكورسير لا صلاه celui-là, tu peux le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait un voyage et il a fait toute la prière, mais il a toujours fait raccourci quand il était en voyage sallallahu alayhi wa sallam. أخي أبو بلال تفضل بارك الله فيك. Ensuite, Ilham a dit, même si c'est pour une durée de un mois. Je voudrais te dire que Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu est resté 6 mois à Adrabijan en train de faire la prière raccourcie. Et que Anas radiallahu ta'ala anhu est Misruq. Et Abdurrahman ibn Samoura sont restés chacun deux années en train de raccourcir la salat. Ce sont des hadiths sahiha. Anas radiallahu ta'ala 2 ans en train de raccourcir la salat. Ou Misruq 2 ans, fils Silsila. Ou Anas Fisham ou Abdurrahman ibn Samoura 2 ans en train de raccourcir la salat. Donc tu peux la raccourcir même si tu restes là-bas 10 ans. Le prochain. Abu Bilal, salam alaikum. Quel est le jugement sur le fait de couper sa barbe de ce qui dépasse ton poignet? Tu dois savoir, inshallah ta'ala, que Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, s'est basé sur beaucoup de hadiths et des affaires de Abu Huraira et des autres pour prouver que il est permis de couper sa barbe quand elle dépasse un poignet. Soit si on fait un voyage ou on ne fait pas. C'est-à-dire, pas seulement si on va vers la Oman, même si tu es chez toi et ça dépasse un poignet, tu peux couper ce qui dépasse la poignée, comme a dit Cheikh Al-Albani. Bien sûr, d'autres comme Cheikh Ben Bazoula ne sont pas convaincus par ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, mais moi je suis convaincu par ce qu'il a dit. C'est pour ça que je te dis ce dont je suis convaincu, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ummu Ayyub, tafaddali barakallahu fik. Jazakallahu khayran aydan anta. Ou Ayoub, je ne sais pas si tu es avec nous, tu n'es pas. Au moins, fais-nous un signe pour qu'on sache que tu es avec nous, inshallah ta'ala, pour patienter et t'attendre. Avec l'autre, j'ai oublié ça. Je m'excuse, Ayoub. Je t'ai rendu maintenant au point rouge. T'as fait d'aller. C'est de ma faute. Je m'excuse. Fais-le, Ayoub. Je t'ai rendu maintenant au point rouge. الله يحييك بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل جاتن تا كيسيون ان شاء الله. Comme Ayoub a dit, si on pense avoir été victime du mauvais œil, Allah alam, que peut-on faire comme esbab en suivant le Coran et la Sunna authentique? Par exemple, en principe, il y a un hadith sahih où le prophète a.s.w. a dit, il a dit, si vous connaissez, en ce sens, il a dit, si on connaît la personne qui nous a frappé du mauvais œil, si on la connaît, on lui demande de faire un wudu devant nous. Ou bien chez elle, on s'en fout si elle est, c'est une personne qui ne ment pas. Elle fait le wudu, et elle fait le wudu par exemple dans une bassine. L'eau, quand elle fait le wudu, elle ne laisse pas partir le wudu, l'eau qui tombe. Elle le laisse par exemple dans une bassine, et elle nous donne cette eau. Ensuite, cette eau, on la jette sur nous en venant par derrière. Ça veut dire, par exemple, on prend la casserole comme ça derrière, au-dessus de notre tête, par derrière, et on la jette sur nous. Dès qu'on la jette, bi'idna ta'ala, à la même minute, bi'idna ta'ala, on guérit. Bien sûr, maintenant, il y a des problèmes. Maintenant, si on va dire à une personne, par exemple, fais-moi le dos et donne-moi l'eau parce que tu as le mauvais œil, je sais pas, déjà, on va rentrer dans des problèmes. Mais à l'époque, c'était facile. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi aux autres, il a dit, Ida stokhintum farfilo. Il a dit, si on vous demande de faire les ablutions, faites-les. Maintenant, les gens avaient peur autrefois, ils savent ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque lui demande de faire les ablutions, qu'il le fasse. Maintenant, tu vois quelqu'un qui lui dit, fais les ablutions, il a peur, il a un hadith. Maintenant, bien sûr, les gens ne connaissent pas le hadith, les gens n'ont pas peur, etc. Donc, j'ai lu dans d'autres ulama qui disent que même si c'est bénéfique, par exemple, quelque chose un vêtement de celui qui fait le mauvais œil. Ils disent un vêtement, mais j'oublie exactement ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'on a avec ce vêtement? Je crois que on le fait bouillir ou quelque chose comme ça. Mais il faut d'abord que je sois sûr pour te répondre de cela. Parce que le vrai hadith, c'est celui qui est venu dans le rousl. On demande le rousl. Maintenant, s'il n'y a pas de solution, bien sûr, on fait les doua de surtout qu'ul a'udhu bi rabbi falaq, qu'ul a'udhu bi rabbi nas, et le doua a'udhu bi kalimati Allah tamma min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lamma. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, et quand on sent que quelqu'un est en train de nous regarder, là, on dit Masha'Allah, la quwwata. La blessure. Mais on ne fait pas comme toi, bien sûr, ceux qui ne savent pas, la main comme ça. La main comme ça. Il n'y a pas de sang. Je disais, certains croient que. Ayoub, tu m'entends maintenant, Ayoub, tu m'entends. Non, je dis. Mais on ne fait pas comme font certains gens. Ce qu'on appelle le khamsa, tu c'est pas comment on dit khamsa en français, hein. On fait comme ça, comme est en train de faire maintenant Abu Mu'ad, et Saliha, et Hakim, et Ayoub, et Abdullah Fez, Wabda Muslima, Hassan 830. Ils sont en train, tous ils me font comme ça avec leurs mains, on dit 5 dans tes yeux. Ça, c'est du shirk, et c'est des haram qu'on vous devez de savoir, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Abu Mu'ad, tafadhal, barakallahu fik. On lève la khamsa et tafadhal. Jazakallahu khairan. C'est pour ça que certains même achètent de la main, et ils la mettent par exemple avec eux dans la voiture. Ça c'est le shirk. Pourquoi? Ils croient que cette main va lui enlever le mauvais œil. Et d'autres ramènent Hadat à le cheval. Le fer de cheval, ils le mettent aussi dans la voiture, ils le mettent devant la porte, ils le mettent dans la maison. Tout ça, il faut bien faire attention. C'est du shirk. Wallah Moussa'an, la main de Fatma, barakallahu fik, la main de Fatma. Alors, ça s'appelle la main de Fatma. Tout ça, c'est du shirk. Mais la sunna, c'est ce dit, A'oudou bika min shaytanir rajim, tamani kulli shaytan wa hamma, wa min kulli aynin lamma. Abou Mouad, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatou. Cheikh, vous avez parlé il y a quelques temps d'un hadith concernant le fait de ne pas s'asseoir entre l'ombre et le soleil. Est-ce que ce hadith concerne uniquement le fait de s'asseoir? Pouvez-vous nous donner des références? Barakallahu fik. Est-ce que tu veux dire par référence, yani le numéro du hadith ou la quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par référence? Barakallahu fik. Non, je peux te le donner. Tu sais que c'est un hadith d'abord dans le Sahih al-Jama de Sheikh al-Albani. Sheikh al-Albani. Je vais te donner maintenant son numéro. Parce que il est déjà de... Yani, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est. Maintenant, je vais te le chercher. Yani... لحظة طيب نجد الثاني par exemple il est dans شوف je vois ici un livre devant moi لحظة ان شاء الله لحظة par exemple dans le سلسلة الصحيحة du Sheikh الألباني il a un livre qui s'appelle سلسلة الصحيحة. Tu dois connaître qu'il est très réputé ce livre. Si c'est la Sahiha, c'est le numéro 838. Hadith numéro 838. Naam, hadith numéro 838. Naha, al-mujlis, bain al-dhah wa al-dhil. Wa qala majlis shaytan. Dhah wa al-shams. Lianna fi hadith akhar qad al-shams. Ou aidan, je vais te donner un autre, il va dire Shams. Voilà, je suis en train de le chercher dans le computer. Est-ce qu'il s'applique à la prière ou autre? Jazakallahu khair. Est-ce qu'il s'applique à la prière ou autre? Je n'ai pas compris comment il s'applique à la prière. N'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire, il applique à la prière. Ensuite, il y a un hadith ici, regarde, il y a un hadith qui est dans Sahih Tirghib ou Tirghib. Cheikh al-Albani, il a un livre très connu qui s'appelle Tirghib, Sahih Tirghib ou Tirghib. Il est aussi dans ce livre avec numéro 3081. Ici, il a dit, Naha al-Mujlis, ou al-Mujlis, والظل قال مجلس الشيطان قال مجلس الشيطان ما شفت الشيخ حديث ولا دي كلمة شمس المهم إيا بيك لو كلمة شمس طيب مهم سيش بخير ليك سيور اسكي فو بيتو بخير انت لامب إلى سولي بارك الله فيك عليك سيور والله جنسي با واسمك يا أبو معاد والله جنسي با exactement mais le fait yani de s'asseoir, de rester ou de dormir comme ça, ou de rester allongé entre le shams et la hor, c'est le shaitan qui aime cela. C'est le shaitan qui aime cela. Maintenant, si par exemple toi tu as dit Allahu Akbar, tu étais à l'ombre. Ensuite le soleil a commencé à frapper ou là, Inch'Allah ta'ala, c'est pas très important. C'est pas toi qui as choisi de t'asseoir et ça ne sera pas plus de rester. Mais c'est quelque chose qui est venu quand tu as commencé. Il y a une différence entre ma'it butu taba'an ou ma'it butu istiqlalan. Ibtida'an afwan. Wallahu ta'ala alam. وإن أخذت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله تعالى أعلم. الأخت صالحة، عليكم السلام ورحمة الله. Est-ce que Abou Mohamed 34 vous a soumis mon message? Je ne sais pas quel est le message dont tu parles. Est-ce que tu parles d'aujourd'hui ou d'une fois passée? Est-ce que tu parles d'aujourd'hui ou tu parles d'une fois passée? Si c'est aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Si c'est aujourd'hui, je n'ai rien reçu parce que mes PV sont fermés. Une fois passée. J'ai oublié, Wallah, j'ai oublié. S'il est là, il me fait rappeler, j'ai oublié. Si c'est quelque chose dont tu veux me questionner, tu peux m'envoyer directement à l'adresse ibntaymiyah@hotmail.com. Tu envoies directement là-bas, inshallah ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire, jidan? J'ai pas compris le mot jidan. Vous l'employez souvent. J'ai pas compris le mot, qu'est-ce que ça veut dire? Non. C'est quoi le mot que veut dire jidan? J'ai pas compris, je l'ai jidan en français. Jidan. Je ne sais pas comment ça se prononce, le mot. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'elle veut dire la horte? J'ai pas compris. Il n'y a pas de fond. Bilal, qu'est-ce que veut dire la ourde? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ce mot de Jidan? J'ai pas compris. C'est quoi ce mot là? Elle me dit que j'emploie souvent. C'est quoi ce mot? Barclay fait comme, j'ai pas compris. Moi non plus. Alors, ourde Saleha, on n'a pas compris qu'est-ce que tu veux dire. On n'a pas compris qu'est-ce que tu veux dire. Je ne me rappelle pas avoir employé ce mot-là. Que veut dire Jidan? Vous l'employez souvent. Peut-être Jidel. Je ne sais pas. Mais essayez de formuler, Inch'Allah, d'une autre façon. Hakim, tafadal, barakallahu fik. Salam alaykoum. Lorsqu'il pleut beaucoup, notre imam ne regroupe jamais les salats du Maghrib et de l'Isha. Peut-on le faire sans lui? Parce que le regroupement dépend de l'imam. Si c'est lui qui fait la prière, si c'est lui qui vous dirige, vous ne pouvez pas la faire sans lui. Si c'est lui qui vous dirige, vous ne pouvez pas la faire sans lui. Ou peut-être, je dis peut-être, au moins tu fais avec lui par exemple le Maghrib, ensuite tu vas un peu plus loin et tu fais la Isha, parce que l'essentiel, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et même Cheikh Ibn Uthaymin a dit cela, il a dit que l'essentiel c'est de les grouper et non pas de les coller. Certains croient que dès que tu dis salam alaykoum, tu dois te lever pour faire l'autre, la coller. L'essentiel c'est pas les coller, c'est les grouper. C'est pour ça que quelqu'un peut faire par exemple le Maghreb ici, et dans la maison, il joint le Isha. Il continue avec elle le Isha. Ou bien il va à l'intérieur de la mosquée un peu plus loin, il fait avec elle la Isha. Wallahu ta'ala a'lam. Oum Abdullah Sez, tafadali. Inch'Allah ta'ala, si tu fais la prière avec lui, tu fais une prière avec lui et tu veux grouper la deuxième pour des raisons, tu peux le faire Inch'Allah ta'ala, mais au moins fais une salat avec l'imam, quand je fais le marab avec lui, ensuite va derrière, tu fais le Isha par exemple et tu vas à la maison Inch'Allah ta'ala. Oum Abdullah, tafadali. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abdallah Sez a dit, une personne qui porte le mauvais œil, est-il forcément mauvais? Barakallahu fik ya Cheikh, Allah Azza wa Jalla nous fasse dans son immense miséricorde. Amin ya Rabbal Alamin. Une personne qui porte le mauvais œil, en général, parce qu'elle a des problèmes, un peu de problème dans son cœur. Car quelqu'un, par exemple, qui est très pieux, etc., il ne peut pas être de ceux qui font le mauvais œil. Il ne peut pas être de ceux qui font le mauvais œil. Le mauvais œil, comme a dit Ibn Qayyim, rahmatullah, a dit, c'est comme des lances. Vous savez, quand on jette une lance, ce sont des lances du diable qui sortent du cœur de quelqu'un. Elles sortent par où? Elles sortent par ses yeux. Nous on ne les voit pas, comme ça enflammés avec du feu, et elles vont directement pour frapper l'autre personne, et des fois pour le faire tomber malade, ou bien le faire mourir, ou bien, comme j'ai dit, jusqu'à ce qu'il meure des fois. C'est pour ça que les ulama ont dit, si on est sûr qu'il y a quelqu'un, on le connaît, c'est X celui-là, on a fait des expériences, quand chaque fois qu'il regarde quelque chose, par exemple, elle tombe malade, ou bien il regarde une bête, par exemple, une vache, ou là elle meurt, ou là une voiture, elle fait un accident. Ibn al-Qayyim a dit, celui-là, le gouverneur, le hakim, peut l'obliger à rester en résidence surveillée à la maison, il ne sort plus. Il lui met un policier devant la porte, il n'a plus le droit de sortir, et on lui donne, bien sûr, un salaire, on laisse ses parents venir le voir, on laisse, etc., mais on ne laisse pas sortir si on sait que c'est quelqu'un, Yanni, comme ça, de dangereux, surtout s'il est la cause pour faire mourir des gens. Et d'autres ont dit, bien sûr, est-ce que s'il regarde quelqu'un, il meurt, est-ce qu'on a droit de tuer cette personne qui fait le mauvais œil, ou on n'a pas le droit? Et évidemment, on divergeait en ce sens. Mais tu imagines, on ne peut pas imaginer quelqu'un, par exemple, de pieux maintenant, hein, on va le mettre à résidence surveillée. Ça se fait pas. Donc c'est un débile, et c'est quelqu'un, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui a le cœur yanné, qui n'est pas encore très yanné, la lumière de l'islam n'est pas encore, ne s'est pas encore ancré à l'intérieur. Wallahu ta'ala a الله يجزيك انت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وردة مسلمة تفضلي. ان شاء الله 10 minutes et on va fermer la salle. Il reste 10 minutes, il sera 1h du matin. وردة مسلمة تفضلي بارك الله فيك. Muslima, pardon, je voudrais dire une chose, mais pardon Yanni, je ne sais pas pourquoi tu n'as pas préparé la question. Moi j'ai toujours dit, pour ne pas perdre le temps que les autres posent des questions, les autres écrivent la question, dès que je enlève le point rouge, je la colle seulement. Sauf si elle est un peu longue, je la colle en deux ou trois fois. Je ne sais pas où Ordre Mouslim est avec nous, là n'est pas dans la salle. Je crois que le problème, c'est mon problème. Elle avait un point rouge. Ordre Mouslim, c'est moi le fautif, elle avait un point rouge. Maintenant, je viens de remarquer qu'elle avait un point rouge. Va faire un nom. Qui sait que ça va dans les heures, sachant que c'est elle qui a ouvert l'acte. Voilà, je vous fais. Que doit faire un homme qui sait que sa femme a commis l'adultère, sachant que si, sachant que c'est elle qui a avoué l'acte, barakallahu fikoum. Je dis que comme quelqu'un, madame, sinon, salam alaikum wa rahmatullah, barakatou mahfiratou. Salam alaikum, barakatou mahfiratou. Quand quelqu'un fait l'adultère, ou là, il fait un grand péché, ou là, il boit de l'alcool, ou là, je dis qu'en général, il ne doit pas faire sortir le kalam, hein. Il doit laisser ça en secret, bien sûr. Parce que, en islam, si le gouverneur apprend ce qui s'est passé, il doit lui faire le châtiment. Par exemple, s'il a commis l'adultère, et qu'il était déjà marié, il doit le lapider, le frapper de cailloux jusqu'à ce qu'il meure. Mais s'il est azib, il ne s'est jamais marié, celui-là ou celle-là, il va les frapper sans coup de fouet. Mais, si cette personne qui a fait cette chose-là, fait un repentir entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, et que le gouverneur n'a pas appris ce qui s'est passé, personne ne lui a dit, yani, hada c'est entre lui, entre cette personne, et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait déjà que quelqu'un a avoué, que quelqu'un yani, a regretté, etc., yani, il doit, c'est déjà, inshallah, quelque chose. Et il doit toujours savoir que c'est un grand péché. C'est un grand péché. C'est pas un petit péché. Non, justement, elle devait pas. Celle-là, elle devait pas le dire. Elle devait laisser ça entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme dans l'histoire, que doit-il faire maintenant? C'est elle qui doit faire, c'est pas l'homme. C'est elle qui doit rester jusqu'à ce qu'elle ait une fois les menstrues. Jusqu'à ce qu'elle ait une fois les menstrues pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte, afin que les deux os ne se mélangent pas. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est la tauba. En ce qui concerne l'homme, bien sûr, s'il veut divorcer ou veut séparer, c'est son droit. L'homme, s'il veut divorcer ou veut séparer d'elle, c'est son droit. S'il veut maintenant, il veut accepter parce qu'elle a fait un repentir, il veut lui pardonner lui aussi, c'est son droit aussi de lui pardonner s'il veut. C'est son droit aussi de lui pardonner si il sait qu'elle a fait un repentir certain. Elle a deux enfants déjà, elle vient d'accoucher. Je ne sais pas si elle vient d'accoucher de l'adultère ou bien de son vrai mari. C'est pas ce que tu veux dire par là. Si elle vient d'accoucher de l'adultère ou de son vrai mari. Allahu alam. Allahu alam. Maintenant, à qui va appartenir à le fils, là? Maintenant, à qui va appartenir à le fils? لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسأل الله عز وجل العافية. Si le test là peut vraiment montrer, qu'on le fasse. Yani, est-ce que le test peut vraiment prouver à qui il appartient? Si vraiment ce test peut prouver, il doit le faire pour savoir au moins à qui appartient هذا le bébé هذا. Allah subhanahu wa ta'ala l'afia. Mais en islam, est-ce que l'homme doit rester avec elle? Comme il veut. Lui, s'il veut se séparer d'elle, il se sépare. Maintenant, s'il veut, yani, c'est son droit, s'il veut descendre des droits, il veut yani, lui pardonner de faire comme si de rien n'était. Et bien sûr, s'il sait qu'elle a fait un repentir sincère. Car si elle n'a pas fait de repentir, c'est une zaniya. Et le croyant, Zanila Zani Inkiru, il le zani, il ne doit pas rester. Non, monsieur Al-Ayan, c'est. Non, zani, là, il y a une zaniyatan ou mushrika. Si quelqu'un vit avec une femme qui fait la zina, ça veut dire que lui aussi, ou bien c'est un zani, ou bien c'est un mushrik qui ne croit pas à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, à sa sharia. La femme, la même chose. Elle ne doit pas vivre avec quelqu'un qui zani. Maintenant, si elle a fait le repentir, il a des preuves qu'elle a fait. Le repentir sincère, bien sûr. Et lui, s'il veut, il peut rester avec elle et oublier ce qui s'est passé. Inch'Allah ta'ala. Wallah ta'ala alam. Hassan 830. Tafadal. Barakallahu fik. Hassan. Tafadal. السلام عليكم. السلام عليكم. عندكم صوت؟ يدي صوت ان شاء الله. entre parenthèses, que je voulais dire, il y avait une sœur qui est Saleha qui a parlé de Jidan. Parle assez fort, Inch'Allah. Qui a parlé de Jidan. Là, elle aime ce qu'elle a voulu dire, c'est par exemple quand on dit Hassan Jidan. Annie, le Jidan, qu'est-ce que ça veut dire en français? Voilà, même si j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Donc, Annie Souel, Inch'Allah, j'ai deux questions. Donc, Inch'Allah, vous m'entendez, Cheikh Barakallahu Fikoum? Vous m'entendez, Inch'Allah? Voilà, donc. Donc désolé, je savais que vous deviez fermer là à minuit. Donc je pose les deux questions. Donc la première, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on va visiter un cimetière, on va visiter une tombe. Parce que moi personnellement, qu'est-ce que je fais? J'arrive, je rapproche du cimetière, je dis salam alaykoum ahl al-qubur, antum sabiqoun, nahnu lahiqoun, inshaAllah. Après, je me dirige vers la tombe et je récite la doua, ani Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi ila akhiri. Ani je fais ça. Ani il y en a, mal asaf, ils récitent du Coran alors que les morts ils n'entendent pas. Donc ani je voulais savoir, ani est-ce que je peux faire des choses en plus à part la doua, ou est-ce que je me trompe, ani est-ce que la doua elle est pas bonne? عني الله مغفر وحمو وعفي وعفونا وكنزل ووصم دخل واغسل بالماء وتجي وبرد ونقيه من الخطايا كما تنقي ثوبي أبضا من الدنا سد دارا خيرا وأنا خير من زوجه وزوجا خير من زوجه وادخل الجنة وأعيد من عذاب القبر عذاب النار عني اسكي استدعى لبن ما دوزين كيشون سي المسكي في المسجد شفي لا صلاة نظام المسجد عني ستنوي بار الإخوان. Et qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur de la mosquée? Ils mettent des photos de Palestiniens. Ils mettent des photos de Palestiniens et des fois, la fois, il y avait une photo de Qardawi en petit. Ani, est-ce qu'on peut prier dans cette mosquée, sachant que l'endroit où il y a les photos et les chiens, les anges, ils rentrent pas. Ani, est-ce qu'on peut prier dans cette mosquée? Barakallahu fikoum, assalamu alaykoum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le frère a dit que la sœur voulait dire Jidan, et elle cherchait que ça veut dire Jidan. C'est un mot, elle a dit que j'employais beaucoup. Jidan, ça veut dire beaucoup, justement. Ça veut dire. On dit par exemple, il m'arrive au Jiddan, je suis un très malade. Donc les hadiths varient pour Jiddan, c'est un hadith très faible, ça veut dire très. Le Jiddan en arabe, ça veut dire très. Bien sûr, si c'est vraiment ce qu'elle voulait, Allah ta'ala alam. En ce qui concerne la première question, quand on va dans un cimetière, il y a plusieurs doigts. Par exemple, il y a le plus connu qui est dans Sahih Muslim. Tu dis Salamu ala Ahli Diyar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا استحديث إمام مسلم. Ensuite, tu t'approches du قبر هذا. Si tu veux, tu lui fais du doigt, tu fais. Mais le doigt que tu as dit, si le défrager, etc., je sais que c'est un doigt qui se dit quand la personne, on vient juste de l'enterrer. On vient juste de l'enterrer, on fait ce doigt. Je ne sais pas si on peut le dire après. Hein, si on peut le dire après. Mais si tu fais du doigt comme ça, en général, اللهم اغفر له وارحمه وادخله جنتك وارض عنه وتجاوز عن سيئاته السيئة ان شاء الله تعالى سي جائز. En faisant la remarque que quand on est dans une tombe au cimetière on n'est pas de couleur comme tu as dit bien sûr et que c'est pas on reste pas dans la maison ensuite on dit bon je vais aller à la tombe pour faire et quand il y a toi qui veut dire le quoi mais le demande pas. Non, je vais te répondre, Hassan. Ensuite, pendant que quelqu'un va rester à la maison, ensuite il va dire je vais faire du doua au cimetière parce qu'au cimetière, les doua sont bons, ils sont acceptés. Là. Ça, c'est faux, bien sûr. Ça, c'est faux. Le meilleur endroit où on fait doua, c'est la mosquée, c'est pas le cimetière. C'est Beit Allah Azza wa Jalla, c'est pas le cimetière. Mais si on y va, à cause de, comme dit le hadith, il y a tariq al-qalb, wa tudni al-ayn, wa tudakir bil-akhira. On va au cimetière parce que ça nous rend le cœur raqiq. Ça fait descendre les larmes, ça nous fait rappeler le dernier jour. Voilà pourquoi on va au cimetière. On va pas là-bas pour s'asseoir sur les tombes et faire comme font beaucoup de femmes. Elles parlent de mariage et de divorce et elles vendent les bijoux là-bas. Comment tu as acheté cette chaîne d'or, où tu l'as acheté, etc. On va nous, pourquoi? Pour se rappeler le jour du jugement dernier et pour pleurer un peu, si on peut, et pour avoir un peu de couche dans le cœur. Maintenant, si après tu veux faire des doigts, tu vas, mais tu ne vas pas, voilà la différence, tu ne vas pas spécialement de la maison au cimetière pour faire les doigts, comme font les muftadias. Je crois que c'est ce que tu m'as demandé. Tu as ensuite parlé de la mosquée. Il y a des photos, etc. Écoute, cher frère, la mosquée, s'il n'y a pas d'autres mosquées, il n'y a que celle-là, tu es obligé de faire la prière dans cette mosquée. S'il n'y a d'autres mosquées que celle-là. Ceux qui vont en faire des photos, ceux qui ont fait des bid'as, tout ça, c'est eux qui vont avoir le ithm. Et toi, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, a dit, quiconque ne va pas à la mosquée, à cause d'une bid'a, ou à cause de la bid'a de l'imam, c'est lui le muftada, c'est lui l'innovateur, c'est celui qui n'est pas parti à la mosquée. Donc toi tu vas à la mosquée, ce sont eux, les frères musulmans et les autres, qui vont avoir le grand hikmah, le jour du jugement dernier, Wallahu ta'ala alam. Hassan 30 a dit, quand il y a des tulab qui veulent lire le Coran, je leur demande de partir. Il y en a deux, mais je préférais cette mosquée car il y avait de meilleurs récitateurs. Qui veut lire le Coran, je leur demande de partir. Non, quand il y a quelqu'un qui veut lire le Coran dans le cimetière, si tu peux, avec Hikmah, etc., lui montrer. Tu lui montres, si tu vois que c'est quelqu'un qui veut pas écouter ou là, Alhamdulillah, t'alista alayhim de Jabbar. Toi, tu apprends à celui qui veut apprendre. Celui qui veut pas apprendre, qui veut aller en enfer, c'est lui qui veut aller en enfer. Moi, je veux lui apprendre, mais il veut pas. Mais je vais pas faire la guerre avec lui. Surtout que, si on est à un moment où les gens de la Bida sont plus nombreux que les gens de la Sunna. Moi, si pour le coup, on leur donne de l'argent, c'est à qui le tour? Parce que ceux qui ont posé des questions, je vois qu'ils n'ont pas descendu la main. Oum Souleymane, tafadali, Oum Souleymane, tafadali. Pardon, j'arrête Oum Souleymane. Une seconde, je vois que Akhouna Abou Abdelrahman est avec nous en verre. Masha'Allah, la quwata wa billah. Et Akhouna Abou Abdelrahman, والله لا أقول أنت مقصر، لكن اليوم يعني فكرت فيك كثيرا وقلت إن أخي أبا عبد الرحمن ناسي أنا مع الأسف، ناسي أنا مع الأسف. خذ اللقطة وذكرنا بشيء، بارك الله فيك. خذ اللقطة وذكرنا بشيء، بارك الله فيك. تفضل يا أبو عبد الرحمن. سي أخونا أبو عبد الرحمن كيف أبار إن شاء الله ستا إمام ميسي الكويت، في كالكان كي يظن شيء أن فرانس بوكو توا، كالكان كي في لا غير او زينوفاتور اي اهل البدعه، ان شاء الله يبقى ندير كلكو شوز ان شاء الله تعالى اونسي جو ريبوند. تفضل ابو عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حي الله الشيخ ابا عبد الله. هل الصوت مسموع يا اخواني؟ طيب حياكم الله جميعا يا أخوة، من أول اسم إلى آخر اسم حيا الله جميع الأخوات الفضليات في هذه الغرفة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي جهود القائمين عليها. الشيخ يحفظه الله يعاتب أخاه على التقصير، مع أن الشيخ يحفظه الله الشيخ محمد أولا هو مغلق اللستة، مغلق القائمة عنده، يعني لا يرسل له إلا المضافين عنده يحفظه الله. ثانيا الشيخ يحفظه الله غير رقم الجوال، رقم الموبايل، ولا أدري هل أعطاني إياه ونسيت. المهم عندي في الموبايل محفوظ الرقم القديم، وإلا فهو يعرف مكانته يحفظه الله في قلب أخيه أبي عبد الرحمن. حقيقة أسعدني كثيرا هذه المجالس، وأسعدتني هذه الجهود المباركة لشيخنا الشيخ محمد حفظه الله ونفع به، وهذا الظن به أثابه الله. وأنا أوصي الإخوة الحاضرين هنا والأخوات الكريمات بالاستزادة والحرص على الاستفادة من أخينا الفاضل الأخ أبي عبد الله شيخ محمد شلبي الجزائري حفظه الله تعالى ونفع. أنا حقيقة جلست هنا حتى أسلم فقط، وأطلب من الشيخ حفظه الله أن يضيف اسمي عنده في القائمة، يعمل لي عدد حتى أستطيع أن أكلمه إذا دخل، نفع الله به وحفظه. المايك مع الشيخ. حياكم الله يا إخواني جميعا والأخوات الكريمات، أنا جئت لأستمع وأستفيد، وإن كانت اللغة الفرنسية صعبة جدا إلا أننا إن شاء الله لن نعدم الخير من حضور مجالس الذكر. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معك اللاقط شيخنا الحبيب أبا عبد الله. بارك الله فيك أخانا أبا عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، وأنا أضفتك الحين إلى القائمة، فهمت؟ أنت إن شاء الله في القائمة حتى يعني يتصلنا لنا الاتصال، وإن كان بيني وبينك لا يزيد على بل لا يصل حتى كيلومتر، بين مسجدك ومسجدي ليس فيه ولا كيلومتر، لكن نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا عن قريب إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله أنا سأزورك عن قريب إن شاء الله تعالى. ومع الأسف أنا لا أفهم ماذا تكتب لأنه ما عنديش العربية في الآخر، فما أدري ماذا تكتب أنت، لكن سيترجم لي بعض الإخوة إن شاء الله ماذا تكتب إن شاء الله تعالى. سأمرك عن قريب إن شاء الله تعالى، سأمرك عن قريب إن شاء الله تعالى. تسمحك أنا إذا كنت مع الآخرين حتى ينتهي الدرس إن شاء الله بسرعة. الأخت أم سليمان تفضلي، بارك الله فيك أخت أم سليمان. إلهي حفظكم الله شيخنا، جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن، حفظك أنت أيضا جزاك الله خير. كتب إن شاء الله حفظكم الله شيخنا، جزاك الله تعالى، بارك الله فيك خير عبد الرحمن. نلتقي إن شاء الله هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى سأزورك بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى. وأنت لعلك لا تعلم أن أهلي ذهبوا إلى الجزائر وإني وحدي هنا في البيت، فأنا أنتظرك أيضا، أنتظرك أن تزورنا إن شاء الله تعالى عن قريب أنت أيضا. تفضلي أختي سليمان، جات أنت كيسون، تفضلي بارك الله فيك. داكور إلهام، تفضلي بوز لا كيسيون، تفضلي إلهام بارك الله فيك. هل الأخ الذي طالبت منه فيما يخص الويندوز، فيما يخص الويندوز، هل الأخ ما زال موجودا معنا؟ الأخ الذي وعدني بأنه سيعينني كيف أدخل اللغة العربية في الويندوز، هذا هل هو موجود معنا بارك الله فيكم؟ تقول الأخت إلهام السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا صام فيما يخص المرأة أدخل رمضان، بعد رمضان elle a toujours des jours à rattraper lorsqu'elle veut faire les 6 jours de jeûne de Shawwal. Naam. Puis ma khusriyam sitat ayyam Shawwal ma mazal 'alayha dayn min Ramadan. Yani ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ Avant de terminer ta question, je dois te dire que inshallah ta'ala de préférence comme a dit Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah, il a dit quoi? Il a dit on commence d'abord par le dain, on commence d'abord par le dain. لماذا؟ لأن الحديث ماذا قال؟ قال من صام رمضان وأتبعه بستين من شوال. Donc il a dit celui qui a fait, celui qui a jeûné le Ramadan, il l'a suivi, أتبعه. Donc صام وأتبعه. Mais celui qui a un dain, celui الذي عنده دين لم يصوم رمضان. الحديث قال من صام رمضان فهذا له دين. فيبدأ إذن بماذا؟ بدينه ثم ينتقل إلى الستة من شوال. حتى قال الشيخ بن عثيمين رحمة الله حتى قال وإن كان له عذر واستغرق دينه جميع الأيام، قال يستطيع أن يصوم ستة أيام ولو بعد شوال. أو الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله أدي نمسي كلكا أدي بات ولا كلكون par exemple et elle n'a pas eu le temps de faire les 6 jours. Il a dit, elle peut les faire même après le Shawwal. Pourquoi? Parce qu'inchallah ta'ala, elle a une cause, under other, yani, elle n'a pas fait exprès, mais elle avait des dettes. Donc quand quelqu'un a des dettes, il doit commencer par ses dettes, ensuite il va faire les 6 jours de Shawwal. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, même sama ramadan wa atba'a. Quiconque a jeûné le ramadan, il a suivi de 6 jours. Et quelqu'un qui a des dettes, il n'a pas encore jeûné le Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, Fiki barakallah. C'est le tour de qui Sulayman, tafaddali Sulayman. On a déjà dépassé le 1h du matin d'un quart d'heure. M. Sulayman, tafaddali. D'abord, je vais voir si tu as un point rouge, si tu l'as pas. D'accord, tu n'as pas le point rouge. Tafaddali, M. Sulayman. Est-ce que le R qui m'a parlé du Windows, est-ce qu'il est avec nous dans la salle ou là, il n'est pas dans la salle? Le R qui m'a dit, je te montre comment tu fais descendre l'arabe. D'abord, comment qu'il s'appelle? C'est la sœur? Ah, c'est la sœur. Comment qu'elle s'appelle d'abord, la sœur? Comment qu'elle s'appelle? Hakim, toi aussi tu fais. Barakallahu fiki. Attends-moi, on termine le das. Elle est partie, Allah. Pourtant, elle m'avait promis de rester. Malish. Yani, la yukallifu Allah wa nafsan illa wus'aha. Sulayman, c'est quoi ta question? Barakallahu fiki. Oum Sulayman, ensuite Abu Abdurrahman, et on termine Inch'Allah pour aujourd'hui. Peut-être qu'elle a déconnecté Oum Abdullah, mais on essaie toujours de penser du bien de quelqu'un Inch'Allah qui a promis, qui n'a pas fait. On dit Inch'Allah, il a une cause, ou là il a déconnecté, ou là, Inch'Allah ta'ala. De toute façon, c'est pas grave. أم سليمان تفضلي بارك الله فيك. Inch'Allah, demain, on va faire la Aqida. La Aqida, on va commencer. Ça fait un bon temps, un bon bout de temps. Maintenant, demain, Inch'Allah, on va parler de quelque chose de très important qui s'appelle la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que la volonté, ça se divise en volonté juridique et volonté universelle. Et quelle est la différence entre les deux? Est-ce que Allah Azza wa Jal veut le coffre, veut le mal, ou là il ne le veut pas? S'il ne le veut pas, pourquoi il l'a créé, etc. On va parler des choses, Inch'Allah ta'ala, très importante. Elle était très longue. On voit la main en deuxième partie. Je ne peux pas être affiché. Naam. Ceux qui ont construit Adal Paltok, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à cela. Ils auraient dû même nous permettre que, comme ça dans la fiche, de, par exemple, de dessiner quelque chose pour faire, par exemple, un petit dessin ou bien une photo. Faire passer une photo comme ça en affiche pour, par exemple, montrer. Par exemple, les doses, surtout nous contempler les doses, par exemple, thank you.